Pourquoi la cuisine anglaise a mauvaise réputation? Dans un éditorial daté du 7 juillet 2020, le Times avait donné une bonne illustration de l'humour anglais, teinté d'autodérision, en affirmant que l'attachement indéfectible des Britanniques aux aliments bourratifs, qui provoquent les railleries de nos voisins continentaux depuis des siècles, est manifestement enraciné dans l'histoire. Cette affirmation a suscité des discussions entre les historiens que je résumerai rapidement dans ma chronique d'aujourd'hui. Le 14 octobre 1066, le dernier roi anglo-saxon a été vaincu lors de la bataille d'Hastings par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Les spécialistes de cette époque ont montré que cet événement militaire et politique avait eu aussi des conséquences importantes sur le plan socio-culturel, car c'est aussi à partir de ce moment-là que les Anglais ont adopté de nouvelles habitudes alimentaires en consommant beaucoup plus de plats à base de porc et de poulet. Des études récentes ont remis en question ce constat, car il semble que les effets de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie se soient arrêtés à la porte des foyers populaires, le peuple d'outre-Manche ayant continué à manger des légumes mous et du mouton bouilli. Ce fait était resté dans l'ombre jusqu'ici, car aucune archive écrite ne permettait de l'attester. C'est grâce aux nouvelles techniques mises en œuvre par l'archéologie que l'on a pu clarifier ce point. 950 ans après que Guillaume le Conquérant a débarqué sur le sol anglais, les chercheurs de l'université de Cardiff, en collaboration avec des spécialistes des universités de Sheffield et de Bristol, ont lancé un programme d'études archéologiques et scientifiques visant à découvrir l'impact de l'invasion sur l'alimentation, les habitudes culinaires et la santé des classes populaires. Pour cela, ils ont mis à contribution les techniques de la chimie osseuse en étudiant les isotopes, c'est-à-dire les atomes composés d'électrons et de neutrons contenus dans les os de 36 squelettes. Ce travail a été complété par l'analyse des résidus lipidiques d'aliments tels que le porc, l'agneau, le bœuf, les produits laitiers et le poisson retrouvés sur des échantillons de poterie exhumés lors des fouilles récentes dans la région d'Oxford. Ces investigations ont permis de mieux connaître les régimes alimentaires des habitants et d'accumuler un grand nombre de données concernant les maladies métaboliques, les maladies dentaires et l'état biologique général de la population de cette époque. Grâce à toutes ces connaissances, on mesure mieux aujourd'hui quel a vraiment été l'impact de la conquête normande dans la société anglaise. On s'est aperçu que les innovations culinaires venues de Normandie n'avaient modifié la vie des gens ordinaires que très lentement et très modérément. Après une courte période de pénurie liée à l'invasion, la consommation de légumes, de feuilles, de céréales, de bœuf et de mouton est redevenue prépondérante. Ces analyses archéologiques et scientifiques offrent ainsi un regard nouveau sur cette période. La conquête normande a certes été un événement essentiel dans l'histoire politique de l'Angleterre, mais la vie quotidienne du peuple anglais n'en a pas été bouleversée pour autant.